Doublette suivante que l'on ouvre tout d'abord avec Death Engine, la formation qu'on vous a présentée tout récemment, qui nous vient de Lorient. Ils sortent là leur troisième album studio en une douzaine d'années d'existence, une sortie SroadRunner. On est sur un post-metal un peu sludgy, un peu noisy également, recette plutôt massive et bien rappeuse. Plutôt court hein, sur l'ensemble, 7 titres pour 35 minutes, mais bon, vu le style pratiqué, c'est pas plus mal. Faust ensuite a un autre one man band de Black, tendance mélancolique, un peu dans la lignée des Inherits The Void. Le gars derrière le projet est un des membres de fondateurs de Heavenstorm, formation de Heavy qui nous vient de Grenoble, et il a notamment pendant quelques années officié à la guitare dans Lone Wolf. Avec Faust, il a tout simplement changé de style, hein, bon. Black Melo, qui n'est pas sans rappeler du coup ses premiers amours autour du Heavy. À nouveau inspiré fortement par la scène black suédoise des 90s. Ça cogne. Et forcément, du coup, l'aspect très très très porté sur les guitares mélodiques, hein, façon Heavy. Et la recette de Faust est plutôt bien maîtrisée. L'album est sorti fin 2022 sur un label suédois. Pardon, 8 titres pour 35 minutes, c'est assez court, c'est direct, et c'est clairement sorti de l'esprit de John Notvate à la sauce française. La suite, donc Death Engine, Lead and Silence, extrait de l'album Ocean, Faust and All Its Evil, extrait de l'album Death from Beyond, et c'est déjà dispo, c'est parti. Toujours dans l'aspect française, et on triche un peu cependant, puisque nous allons écouter tout d'abord Red Sphere, formation qui nous vient de Nouvelle-Calédonie, plus précisément située à Nouméa, active depuis bientôt 10 ans. Ils sortent un nouvel EP, on avait diffusé le premier. À noter que le groupe a bien évolué musicalement, parce que de base on était sur un thrash death très inspiré par le power américain des Lamb of God et autres, et une grosse implication gojirienne dans les musiques. Ils ont recruté récemment l'ex-vocaliste et fondateur d'Asiard et Negation, et le frappeur américain Mike Heller, qui cogne également dans Fear Factory et Malignancy. Voilà, thrash death très frontal, un peu groovy quand même, hein, ils n'ont pas non plus totalement abandonné ce qu'ils faisaient de base, et c'est de plus en plus efficace. Nous aurons également les nordistes de Solar Eruption, le groupe de Blackening Symphonic Deathcore, actif depuis 2008, qui sort là un premier album après un EP qui a vu le jour en 2019. C'est généreux, 13 titres sur l'ensemble, et on retrouve des guests dessus, notamment ex-vocaliste de Infant Annihilator, ou encore le gueulard de Novelist. Qu'est-ce qu'on va s'écouter plus précisément? Eh bien, tout d'abord, Red Sphere, War and Lies, extrait de l'album Regnus Lupus, de l'EP, pardon. Solar Edge, Russian, ensuite Smoke in My Head, extrait de l'album The Demon's House. C'est parti. Get on the right field. One night. C'est avec une toute dernière nouveauté que nous allons quitter l'aspect française, une formation qui nous vient de Touraine, un one-man band post-metal, post-rock, instrumental. Le patronyme correspond de base au nom d'une ville de Slovénie. Voilà, probablement les origines du garçon. Le projet a vu le jour en 2009, puis une pause pendant quelques années, avant voilà, de revenir aux affaires. Des EP voient régulièrement le jour, puisque là c'est quand même le 11e qui paraît depuis 2018. Hyper prolifique, le gars, le Covid l'a beaucoup aidé de ce point de vue-là. Là, c'est quasi un album, hein, 7 compos, une trentaine de minutes. C'est dynamique, parfois atmosphérique. Donc voilà, on alterne vraiment au niveau des ambiances. Une espèce de répétitivité un peu hypnotique. Et voilà, nous, ça nous permet d'aérer la diff de l'émission de ce soir. C'est bah, très bien fait, tout simplement. Et en doublette, voilà, retour à la diff internationale avec An Ocean, le groupe de Black Sinfo finlandais qui sort là son sixième effort studio sur le label français Season of Mist. On a déjà fait toutes les présentations d'usage pour An Ocean. Place à la musique donc. Possiona, Wine, Collide Collapse, extrait de l'EP sobrement intitulé EP 11, et An Ocean ensuite, voilà, c'est mes yeux confourchés, Wine into Water, extrait de l'album. And his garden, so in tombs, une sortie Season of Mist, c'est parti. On était sérieux sur l'idée d'une démocratie technique, on se rend compte qu'il aurait remis en cause complètement la trajectoire technologique, environnementale de nos sociétés. We'll doublette suivante, Scalp Nothingness. Là, on est sur une doublette bien brutale. Scalp, tout d'abord, formation qu'on vous a présentée la semaine dernière. Une récente formation de Hardcore Grind Death qui nous vient de chez Close Casket. La formation est installée en Californie. 8 titres pour 12 minutes, c'est radical, frontal, un bon équilibre dans leur Grind Death avec des gros breaks hardcore. Une prod ultra mouse, ça plaira à tous les amateurs de Nails, Full of Hell et autres Trap Dem. No Sickness, ensuite une autre formation Riken. Là on est sur du bon gros Death qui nous vient du Minnesota. Une sortie Everlasting Pure Records. Un death violent, très très très très riche en termes de riffing. Enfin, on est bien au-delà du death hein, en termes d'inspiration sur les guitares. Voilà, à noter qu'au niveau du line-up, le cogneur est également membre de Ghost Bass, le groupe de post-black ricain, pareil assez réputé. Musicalement, on en est où? Eh bien, Scalp, le titre Endless Relapse, extrait de l'EP Black Terre, Nothingness, Curse of Creation, extrait de l'album Supraliminal. C'est parti. Yeah. On s'approche tout doucement de la fin de l'émission de ce soir. Tout d'abord, le temps de s'écouter un titre de Iravu. Pareil, récente formation qu'on vous a présentée la semaine dernière. C'est un one-man band malaisien, actif depuis 2 ans. Le premier album est sorti tout début du mois de janvier, après quelques EP. On est sur un Black Atmo que le gars revendique comme étant en plus antifasciste. Voilà, ça fait vraiment partie de sa com et de son essence musicale. On est sur quelque chose d'assez brut dans le rendu, mais avec cependant des aérations et des variations, avec des passages ultra ultra black, hein, c'est frontal, c'est brutal, et des passages beaucoup plus planants, avec quelques petites nappes de clavier par-ci par-là. 5 titres pour 35 minutes, Iravu. Ça vaut méchamment le coup de se pencher sur le projet. Tribunal, ensuite, un duo d'occulte doom qui nous vient du Canada, avec des influences gothiques et également dans le style. Premier effort studio, une sortie 20 Bucks Spin. Le label ne nous a pas habitués à ce type de sortie, musicalement parlant, mais qualitativement parlant, le groupe est là, répond présent. Une femme à la basse et au violoncelle, un homme tient les guitares et... alternance de parties vocales. Les voix masculines vont proposer quelque chose de plus extrême, criard, à tendance black. Et la bassiste violoncelliste va proposer par contre des nappes de chant beaucoup plus légères et planantes. Et on a quelques icônes de session qui viennent graviter autour, dont une femme à la batterie également. 7 titres pour des compos généreuses de 5 à 12 minutes. C'est lourd, bien axé sur les atmosphères. Et... en termes d'influence, on peut aller chercher du côté des 90s vers My Darling Bride, Paradise Lost, etc. Voilà, un Gothic Doom décisant, bien efficace. En termes de diff, Uliravu, le titre The Creator, extrait de l'album Fate Worse Than Home. Tribunal, ensuite Without Answer, extrait de l'album The Weight of Remembrance. C'est parti. Et allez hop, c'est l'heure de clôturer l'émission de ce soir avec une doublette tout en brutalité, une toute dernière nouveauté, Disfiguring the Goddess. Un groupe que j'ai découvert il y a genre 13-14 ans à la sortie du premier effort studio. Disfiguring the Goddess, c'est ce one-man band mené par Cameron, aka Big Chocolate. À l'époque, le mec, il se faisait des vidéos sur YouTube où il se filmait parce qu'il avait une voix ultra gutturale. Et bah voilà, on le voyait s'éclater derrière un micro. Et c'était les prémices du slam death moderne. Disfiguring the Goddess, le premier album, c'était justement premier subtil équilibre entre le deathcore old school, hein, on va dire, des Dying Fetus et autres Suffocation, avec première connotation moderne d'inspiration Old Shoal Parish par exemple, et ce slam death ultra brutal derrière. Et bah le mec, en fait, il gère tout de A à Z, de l'artwork à la prod, aux enregistrements, etc., etc. J'avais complètement lâché le projet tout au long de ces dernières années. Et là, c'était un peu une grosse surprise de découvrir ce nouvel EP qui s'appelle Carnival. Un artwork dérangeant. Au premier coup, on se dit « Putain, mais c'est moche !» Et en fait, non, c'est juste dérangeant comme visuel. Et avec ce nouvel effort studio, Big Chocolate a souhaité vraiment pousser à son paroxysme, à l'extrême, la brutalité, la violence du Brutal Death, avec des grosses sonorités mécaniques, c'est blindé d'effets, c'est hyper synthétique. Et étonnamment, je suis pas du tout hermétique à cette proposition musicale. Je le trouve vraiment très très bon, ce nouvel EP. Manipulating Violence, ça renvoie bien à l'état d'esprit de ce par quoi Cameron est passé ces dernières années. Il se livre énormément sur ses réseaux sociaux, sur la page de Disfiguring the Goddess. Et voilà, je pense que c'est un type qui a été très éprouvé par la vie et qui transparaît tout ça dans la musique. Sauf que lui, il a pas fait le choix du black metal, il a fait le choix du Brutal Death mécanique et moins organique, et le rendu est hyper efficace. Donc voilà, Manipulating Violence, extrait de l'EP Carnival, et on clôturera avec le festival de la Tefal, Esophagus, le groupe de Brutal Slam Death venu du Chili, Primitive Lineage, extrait de l'album Inglorious Bidding, et y a rien de plus à dire. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à dimanche prochain, ciao ciao.